Biographie de Pierre Bourdieu, article de Wikipédia. Pierre Bourdieu, né en 1930 et mort en 2002, est un sociologue français devenu, à la fin de sa vie, par son engagement public, l'un des acteurs principaux de la vie intellectuelle française. Sa pensée a exercé une influence considérable dans les sciences humaines et sociales, en particulier sur la sociologie française d'après-guerre. Sociologie du dévoilement, elle a fait l'objet de nombreuses critiques qui lui reprochent en particulier une vision déterministe du social dont il se défendait. Son œuvre sociologique est dominée par une analyse des mécanismes de reproduction des hiérarchies sociales. Bourdieu insiste sur l'importance des facteurs culturels et symboliques dans cette reproduction et critique le primat donné aux facteurs économiques dans les conceptions marxistes. Il entend souligner que la capacité des agents en position de domination à imposer leurs productions culturelles et symboliques joue un rôle essentiel dans la reproduction des rapports sociaux de domination. Ce que Pierre Bourdieu nomme la violence symbolique, qu'il définit comme la capacité à faire méconnaître l'arbitraire de ces productions symboliques, et donc à les faire admettre comme légitimes, est d'une importance majeure dans son analyse sociologique. Le monde social dans les sociétés modernes apparaît à Pierre Bourdieu comme divisé en ce qu'il nomme des champs. Il lui semble, en effet, que la différenciation des activités sociales a conduit à la constitution de sous-espaces sociaux comme le champ artistique ou le champ politique, spécialisés dans l'accomplissement d'une activité sociale donnée. Ces champs sont dotés d'une autonomie relative envers la société prise dans son ensemble. Ils sont hiérarchisés et leur dynamique provient des luttes de compétition que se livrent les agents sociaux pour y occuper les positions dominantes. Ainsi, comme les analyses marxistes, Pierre Bourdieu insiste sur l'importance de la lutte et du conflit dans le fonctionnement d'une société. Mais pour lui, ces conflits s'opèrent avant tout dans les différents champs sociaux. Ils trouvent leur origine dans leur hiérarchie respective et sont fondés sur l'opposition entre agents dominants et agents dominés. Pour Bourdieu, les conflits ne se réduisent donc pas aux conflits entre classes sociales sur lesquels se centre l'analyse marxiste. Pierre Bourdieu a également développé une théorie de l'action autour du concept d'habitus qui a exercé une grande influence dans les sciences sociales. Cette théorie cherche à montrer que les agents sociaux développent des stratégies fondées sur un petit nombre de dispositions acquises par socialisation qui, bien qu'inconscientes, sont adaptées aux nécessités du monde social. L'œuvre de Bourdieu est ainsi ordonnée autour de quelques concepts recteurs. Habitus comme principe d'action des agents, champ comme espace de compétition sociale fondamentale et violence symbolique comme mécanisme premier d'imposition des rapports de domination. Première partie, biographie. Pierre Bourdieu est né en 1930 dans les Pyrénées-Atlantiques à Danguin, petit village du Béarn. Son père est issu de la petite paysannerie béarnaise. Celui-ci est d'abord ouvrier agricole, puis devient facteur et par la suite facteur-receveur sans quitter son milieu rural. Sa mère a une origine sociale proche, quoique légèrement supérieure, puisqu'elle est issue d'une lignée de propriétaires à la sub. Il est l'unique enfant du couple. Études. Interne au lycée Louis Barthou de Pau, excellent élève, Pierre Bourdieu est remarqué par un de ses professeurs, ancien élève de l'école normale supérieure, ENS, qui lui conseille de s'inscrire en classe préparatoire en Cagne, au lycée Louis-le-Grand de Paris, en 1948. Il est reçu à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, dans la même promotion qu'Emmanuel Leroy-Ladurie. Celui que ses camarades appellent de son deuxième prénom, Félix, y retrouvera peu à peu ses anciens condisciples de classe préparatoire, comme Jacques Derrida ou Louis Marin. Alors que la scène philosophique française est dominée par la figure de Jean-Paul Sartre et par l'existentialisme, Bourdieu réagit comme de nombreux normaliens de sa génération. Ces derniers se sont orientés préférentiellement vers l'étude des courants dominés du champ philosophique. Le pôle de l'histoire de la philosophie proche de l'histoire des sciences, représenté par Martial Guéroux et Jules Villemin, et l'épistémologie enseignée par Gaston Bachelard et Georges Canguilhem. Bourdieu soutient en 1953, sous la direction d'Henri Gouillet, un mémoire sur les animadversiones de Leibniz. En plus de son cursus, il suit aussi le séminaire d'Eric Weil à l'École pratique des hautes études sur la philosophie du droit de Hegel. Agrégé de philosophie en 1954, il s'inscrit auprès de Georges Canguilhem pour une thèse de philosophie sur les structures temporelles de la vie affective qu'il abandonnera en 1957 afin de se consacrer à des études sociologiques de terrain. Début de carrière. Georges Canguilhem place son thésard à proximité de Paris comme professeur au lycée de Moulins en 1954-1955. Mais Pierre Bourdieu doit remplir ses obligations militaires. Après avoir refusé d'incorporer les élèves officiers de réserve, il est d'abord muté à Versailles, au service psychologique des armées. Cependant, il est trouvé en possession d'un numéro censuré de l'Express relatif à la question algérienne. Il aurait ainsi perdu son affectation pour raisons disciplinaires et rapidement embarqué avec des jeunes appelés en Algérie dans le cadre de la pacification. Il y accomplit l'essentiel du service militaire qui dure 2 ans. Il fait d'abord partie d'une petite section qui garde un dépôt d'essence. Puis, en raison de ses capacités rédactionnelles, il est affecté dans les services administratifs de la résidence générale, sous les ordres de Robert Lacoste. De 1958 à 1960, souhaitant poursuivre ses études sur l'Algérie, il prend un poste d'assistant à la faculté des lettres d'Alger. Algérie, le passage à la sociologie. Cette période algérienne est décisive. C'est là, en effet, que se décide sa carrière de sociologue. Délaissant les grandeurs trompeuses de la philosophie, il conduit ainsi toute une série de travaux d'ethnologie en Algérie qui aboutissent à l'écriture de plusieurs livres. Ses premières enquêtes le mènent dans les régions de Kabylie et de Kolo, bastions nationalistes où la guerre fait rage. Sa sociologie de l'Algérie, véritable synthèse des savoirs existants sur ces 3 départements français, est publiée dans la collection Que sais-je en 1958. Après l'indépendance algérienne, il publie en 1963 Travail et travailleurs en Algérie, étude de la découverte du travail salarié et de la formation du prolétariat urbain en Algérie, en collaboration avec Alain Darbel, Jean-Paul Rivet et Claude Sebel. 1964 voit la publication de son ouvrage Le déracinement, la crise de l'agriculture traditionnelle en Algérie, en collaboration avec son ami algérien Abdelhamek Sayad sur la destruction de l'agriculture et de la société traditionnelle et la politique de regroupement des populations par l'armée française. Après son retour en métropole, Bourdieu profite jusqu'en 1964 des vacances scolaires pour collecter de nouvelles données sur l'Algérie urbaine et rurale de l'époque. Le terrain ethnologique de la Kabylie ne cessa, même après qu'il eut cessé de s'y rendre, de nourrir l'œuvre anthropologique de Pierre Bourdieu. Ses principaux travaux sur la théorie de l'action, esquisse d'une théorie de la pratique 1972 et le sens pratique 1980, naissent ainsi d'une réflexion anthropologique sur la société kabyle traditionnelle. De même, son travail sur les rapports de genre, la domination masculine 1998, se fonde, au départ, sur une analyse des mécanismes de reproduction de la domination masculine dans la société traditionnelle kabyle. Chercheur et universitaire. En 1960, il regagne Paris pour devenir l'assistant de Raymond Aron à l'Université de Paris. Raymond Aron fait également de lui le secrétaire du Centre de sociologie européenne, institution de recherche qu'il a fondée en 1959 à partir de reliquats de structures d'après-guerre et avec l'aide financière de la Fondation Ford. Le jeune assistant de Raymond Aron obtient un poste de maître de conférence à l'Université de Lille qu'il occupe jusqu'en 1964, tout en continuant d'intervenir à Paris dans le cadre de cours et de séminaires. À Lille, il retrouve Eric Weil et fait connaissance avec l'historien Pierre Vidal-Naquet et surtout l'herméneute, philologue et germaniste Jean Bollac, qui devient un ami fidèle. En 1962, il épouse Marie-Claire Brizard, avec laquelle il a 3 enfants, Jérôme, Emmanuel et Laurent. Au milieu des années 60, il s'installe avec sa famille à Antony, dans la banlieue sud de Paris. La famille rejoint le Béarn pendant les vacances scolaires. Pierre Bourdieu s'intéresse au Tour de France cycliste et pratique à bon niveau de nombreux sports individuels et collectifs, tels le tennis et le rugby. L'École des hautes études en sciences sociales. En 1964, Bourdieu rejoint l'école des hautes études en sciences sociales. La même année, sa collaboration, commencée plus tôt avec Jean-Claude Passeron, aboutit à la publication de l'ouvrage « Les héritiers », qui rencontre un vif succès et contribue à faire de lui un sociologue en vue. À partir de 1965, avec « Un art moyen, essai sur les usages sociaux de la photographie », suivi en 1966 par « L'amour de l'art », Pierre Bourdieu engage une série de travaux portant sur les pratiques culturelles qui occupent une part essentielle de son travail sociologique dans la décennie suivante et qui débouche sur la publication, en 1979, de « La distinction, critique sociale du jugement », qui est son œuvre la plus connue et la plus importante pour le champ sociologique et qui figure parmi les 10 plus importantes œuvres sociologiques du monde au XXe siècle dans le classement établi par l'International Sociological Association. Patron de centres de recherche. À l'issue des événements de mai 68, il rompt avec son maître Raymond Aron, penseur libéral, qui désapprouve ce mouvement social. En 1968, il fonde ainsi le Centre de sociologie de l'éducation et de la culture, qui s'émancipe du Centre de sociologie européenne. La même année, il publie avec Jean-Claude Chambordon et Jean-Claude Passeron « Le métier de sociologue », un traité dans lequel ils exposent, à partir d'un choix de texte d'auteur, les méthodes de la sociologie. L'ouvrage devait comporter 3 volumes. Le second, qui porte sur le symbolisme dans la société, avait déjà son plan détaillé et ses matériaux. En 1985, Pierre Bourdieu devient directeur du Centre de sociologie européenne dont il avait assuré le premier développement au secrétariat au début des années 1960. Le CNRS exige en 1997 une fusion avec le Centre de sociologie de l'éducation et de la culture. La structure préservant les missions des deux entités est dirigée par son élève Rémi Lenoir. La réception des travaux de Pierre Bourdieu va progressivement dépasser le milieu de la sociologie française. Il est en particulier lu dans les milieux historiens francophones, notamment à l'École des hautes études en sciences sociales. Les années 70 voient émerger une reconnaissance anglo-saxonne. L'Allemagne, grâce à l'action de Joseph Hurt, suit avec plus d'une décennie de retard. La reconnaissance internationale a permis à Pierre Bourdieu d'accomplir de nombreux voyages et des séjours plus ou moins longs, parfois en famille, émaillé de conférences, principalement dans les pays anglo-saxons, au Japon, en Allemagne et en Scandinavie. Le Collège de France. Grâce notamment à l'appui d'André Miquel, il devient professeur au Collège de France en 1981, position la plus prestigieuse au sein du système universitaire français. Il est le premier sociologue à recevoir la médaille d'or du CNRS en 1993. On peut ainsi souligner le paradoxe d'un homme qui n'a cessé de se vivre comme à la marge des institutions académiques dominantes, dont il a même entrepris l'étude critique, par exemple dans Homo Academicus, alors même qu'il a réalisé une des carrières universitaires les plus exemplaires qui soit. L'éditeur. Parallèlement à sa carrière universitaire, Pierre Bourdieu a mené une importante activité d'éditeur qui lui a permis de pleinement diffuser sa pensée. En 1964, il devient directeur de la collection Le Sens commun aux éditions de Minuit jusqu'en 1992 où il change d'éditeur au profit des éditions du Seuil. Dans cette collection, Pierre Bourdieu publie la plupart de ses livres ainsi que ceux de chercheurs influencés par lui, favorisant ainsi la diffusion de sa pensée. Bourdieu publie également des classiques des sciences sociales, Émile Durkheim, Marcel Mauss, etc., ou de la philosophie, Ernst Cassirer, Erwin Panofsky, etc. La collection fait également découvrir aux lecteurs français des sociologues américains de premier plan, traduction d'Erving Goffman. Après son passage aux éditions du Seuil, il y fonde la collection Liber, en continuité avec la collection Le Sens commun. En 1975, il crée, notamment avec le soutien de Fernand Braudel, la revue Actes de la recherche en sciences sociales qu'il dirigera jusqu'à sa mort. Cette publication sera un lieu d'exposition de ses travaux et de ceux de ses élèves. Elle se démarque des revues universitaires traditionnelles par le recours à de nombreuses illustrations, photographies, bandes dessinées, etc., son grand format et sa mise en page. En 1995, à la suite des mouvements sociaux et pétitions de novembre-décembre en France, il fonde une maison d'édition, Raison d'agir, à la fois militante et universitaire, publiant des travaux, souvent de jeunes chercheurs qui lui sont liés, procédant à une critique du néolibéralisme. Engagement. À partir du début des années 1980, Pierre Bourdieu s'implique davantage dans la vie publique. Il participe notamment au soutien à Solidarnosc, en partie en raison de la sollicitation de Michel Foucault. Ce n'est que dans les années 1990 qu'il s'engage pleinement dans la vie publique, réinvestissant la figure de l'intellectuel engagé. Durant la guerre civile en Algérie, il soutient les intellectuels algériens. Lors du mouvement de novembre-décembre 1990,